Good evening. Bonsoir. Hola. Hola, Nacho. ¿Qué tal? Ça va, mon titi? Didi. Muy bien, muy tan bien. I still don't speak. Habla español. Uf. Ay, ay, ay, ay, ay, caramba. Okay, I have a song for you. Je n'ai pas un small drum. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je me la chantais pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Bois, bois, bois, bois. Ouh. Yeah. Une chanson douce que m'a chanté ma maman. Double drum. Ça va être chaud, chaud. Wouhou. Oups. Didi. Didi tombé. Bon, allez Nacho. Comment? Tout son bord. Double D. Parti, le drum cassé. Cassé. Ah. Allez Nacho. Une chanson douce que me chantait ma maman. Ok, go. Une chanson douce que me chantait ma maman. J'ai mon pouce, j'écoutais au mentor. Je veux la chanter pour toi, car ta peau est douce comme la mousse des bois. Une chanson douce que me chantait ma maman. Oh, oh. La petite biche, elle est toute à bois. Dans le bois se cache le loup. Salvatore version fun. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Hola. Petite bichette aux abois. toi se cache le loup. Mais le brave cheval y passe. Il prit la biche dans ses bras. La la la. Une petite chanson. Et toi tu sais pas la jouer. La petite biche, ce sera toi si tu veux. On va t'attraper et te manger entièrement. We'll be right back.

Thank you. for me to go to. Could have to get up tomorrow morning. Have fun, thank you. See you soon. Merci. Buenas noches. Plouf, plouf, plouf.